apprennent le japonais. Certains conduisent des projets, certains deviennent architectes. Certains ont une grande famille de garçons, une petite fille qu'ils partagent avec toute leur secte. Et quand ils rentrent un peu tard, un gros poilu dans leur placard. Moi, pendant ce temps-là, je fais des soirées garage et des amis dans les parages. Et moi, pendant ce temps-là, je noircis quelques pages, mais je ne le regrette pas. Certains ont vu l'autre bout de la terre, mais quand ils rentrent chez leur mère, ils sont comme en vacances. D'autres sont criblés de dettes, dans des idées plein la tête. Pas grand chose dans la panse. Ils disent vraiment j'en ai marre, j'ai même pas de quoi pour un rancard. Et moi, pendant ce temps-là, je regarde les nuages et les oiseaux de passage. Et moi, pendant ce temps-là, je noircis quelques pages, mais je ne le regrette pas. Certains sont restés sur la piste, comme si la vie était une liste. Ils ont des croix partout. D'autres ont été moins serviles. Ils ont fini à l'asile. Ils sont devenus fous. Parlent sans croiser mon regard et ont une prison pour plumard. Et moi, pendant ce temps-là, sur un vecteur de langage, je vogue et je voyage. Et moi, pendant ce temps-là, je noircis quelques pages, mais je ne le regrette pas. Certains s'enferment dans leur confort, une télé, une voiture de sport et de la merde dans la bouche. D'autres sont toujours ailleurs, trop peu peut-être avec les leurs, jamais de soi dans la même couche. Ils entassent un sacré bazar pour le gosse qu'ils ont quelque part. Et moi, pendant ce temps-là, je prends et je partage les paroles des sages. Et moi, pendant ce temps-là, je noircis quelques pages, mais je ne le regrette pas. Certains sont de vrais hypocrites, une grande gueule, mais une petite bite et un sourire simiesque. Toujours un avis, le monde est toujours tout pourri. Ils y renonceraient presque. Ils détruisent tout tellement avare, même leur image dans le miroir. Et moi, pendant ce temps-là, j'imagine un paysage avec deux souriants visages. Et moi, pendant ce temps-là, je referme ma page à une prochaine fois. Et moi, pendant ce temps-là, j'imagine un paysage avec deux souriants visages. Et moi, pendant ce temps-là, je referme ma page.